sentinelles ont fermé. Aujourd'hui c'est la dernière. Une à une elles ont laissé au-dessus d'elles un désert. L'essentiel, toutes ces veuves, l'essentiel, tous ces enfants, seuls pour vivre cette épreuve, un désert de survivants. Toi, mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Toi, mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Tristesse, regrets éternels, nostalgie, tu n'es pas loin. Mine de nickel, mine de sel, sans toi nous ne sommes rien. Trois jours d'hommage émouvant, la patrie reconnaissante, devant ce grand trou béant, c'est la tombe que l'on chante. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Sans doute la fin d'un monde, une époque révolue. Chantons tous, faisons la ronde, la poussière ne paie plus. Veuve de mine de charbon, veuve d'une guerre perdue, réjouis-toi de ta pension, la mort ne rapporte plus. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. S'ils ne sont pas morts pour la France, c'est bien un champ de bataille. Qui eut raison de leur souffrance, juste pour un peu de paille. Toute une vie à creuser, histoire de gagner sa mort. Ne creuse plus, c'est terminé. Retourne à ton triste sort. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Toi mon grand-père, tu n'es plus là pour voir ça. Toi mon grand-père, tu étais mineur, tu n'es pas mort au champ d'honneur. Nous dirons juste avec pudeur que tu es parti bien avant l'heure.